si je veux du bout des doigts coucher avec toi, même si je suis sincère, même si tu peux lire dans mes yeux clairs que je fais tout pour te plaire, ne te laisse pas faire, même si je suis sous, même si je crie des poèmes comme un enfant blême. Ne me vois pas, sauve-toi, oublie-moi, couvre-toi, pense à toi, laisse-moi. Si on s'attache à nous, on va se faire mal. Si on se cache de tous, on va vivre mal. Ça nous fait rêver, ça nous fait pleurer. Faut pas rêver, faut pas pleurer. Même si tu es sûr de moi, même si tu me veux, si tu me crois, quand je dis n'importe quoi, dormir avec toi, même si je suis fou, même si je crie que je t'aime comme un enfant blême. N'ouvre pas, sauve-toi, oublie-moi, couvre-toi, pense à toi, laisse-moi. Si on s'attache à nous, on va se faire mal. Si on se cache de tous, on va vivre mal. Ça nous fait rêver, et ça nous fait pleurer. Faut pas rêver, faut pas pleurer.